Est-ce que tu te souviens aujourd'hui du petit refrain des jours meilleurs? L'amour s'est évanoui, la chanson demeure, du temps des cerises au temps des synthétiseurs. Te souviens-tu quelquefois du soleil au milieu de la nuit? Un été de samba, un air d'Italie, Athènes ou Venise, c'est la même mélodie. La valse des chansons, elle danse et tourne avec le temps, au rythme des saisons, autant en emporte le vent. La valse des chansons, quand on ne sait pas bien danser, il suffit qu'on l'aime pour tourner quand même comme un valseur du temps passé. À Capri, rien n'est jamais fini, et le ciel, le soleil et la mer font un tour à Paris au bout de l'hiver. C'est la vie en valse des chansons, qui danse et tourne avec le temps, au rythme des saisons, autant en emporte le vent. La valse des chansons.